إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام الطبراني في معجمه، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله تبارك وتعالى في السر والعلانية. وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء، ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. أيها المسلمون، فما أجمع هذا الحديث وما أعظمه، ولذا كان حريا بكل مسلم أن يتأمله وأن يتدبره وأن يسعى جاهدا للنجاة من تلك المهلكات والظفر بالثلاث المنجيات وما بقي من الأمور. الثلاث المهلكات: أولها شح مطاع. والشح كما عرفه بعض أهل العلم هو أشد البخل، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشح في أحاديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالظلم فظلموا، أي الشح هو الذي أمرهم، أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. بل لقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر المهلكات، كما في حديث أبي هريرة في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، ما هي؟ قال: الشرك والشح وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق الحديث. الإمام الطبراني غبر من صموع جم إلى حديث جوجيبون فالشيخ الألباني رحمه الله. سنو عبد الله بن عمر il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: trois choses sont destructrices, trois choses sont protectrices, trois choses effacent les péchés, et trois choses élèvent en degré. Quant aux destructrices, c'est l'avarice qui est suivie, ou l'avarice qui est obéie, c'est la tentation qui est suivie, et c'est la prétention d'une personne vis-à-vis d'elle-même. Et quant aux choses qui préservent, c'est la justice, même en état de colère, c'est l'économie en état de pauvreté, de richesse, c'est la crainte d'Allah Azza wa Jal. Aux yeux des gens, comme lorsque la personne se retrouve seule quant aux choses qui pardonnent les péchés et qui les effacent, c'est d'attendre une prière. C'est d'attendre une prière jusqu'à l'autre. C'est de faire ses ablutions même en cas de difficulté. Et c'est de marcher, de faire des pas afin de se diriger à la mosquée pour accomplir la prière en commun. Et quand aux trois choses qui élèvent en degré, c'est de nourrir les pauvres, c'est de se saluer et c'est de prier la nuit pendant que les gens dorment. Ce hadith est un hadith immense qui renferme énormément de choses. Il est donc important pour le musulman de méditer sur ce hadith et d'en ressortir les choses les plus bénéfiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y avait trois choses qui étaient destructrices. Et la première de ces trois choses, c'est l'avarice qui est obéie. Qu'est-ce que l'avarice obéie ? Ash-shuhu, c'est même plus que l'avarice, c'est la pire forme d'avarice. Et la personne avare, wal-iyadu billah, son avarice va l'amener à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde sa communauté contre cette forme d'avarice dans beaucoup de hadiths. Parmi ces hadiths, le hadith de Abdullah ibn Amr al-As qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez garde à l'avarice car elle a anéanti ceux qui étaient avant vous. Elle leur a ordonné d'offenser, ils ont offensé. Elle leur a ordonné de couper les liens de parenté et ils ont coupé les liens de parenté. Et elle leur a ordonné de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont désobéi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même considéré l'avarice comme parmi les sept péchés les plus graves lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: abstenez-vous des sept choses destructrices. Ils ont dit: quelles sont-elles, ô envoyé d'Allah? Il a répondu comme dans la version de Nasa'i: c'est l'associanisme à Allah Azza wa Jal, et ensuite c'est l'avarice. وَلِسُوِي هَذَا الْخُلُقْ وَخُبْثِهِ فَإِنَّهُ إِذَا تَشَعَّبَتْ بِهِ النُّفُوسِ فَتَصْعُبُ حِينَئِذٍ تَرْكُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ. وفي حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال: حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام. في هذا الحديث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبي ثعلبة رضي الله عنه فقال له: إذا كثرت الفتن ورأيت الشح مطاعا، أي رأيت الناس بخلاء في غاية البخل وهوى المتبع، ورأيت الناس يتبعون أهواءهم ودنيا مؤثرة، أي ورأيتهم يقدمون هذه الدنيا على أمور الدين وإعجاب كل ذي أمر برأيه، فعليك بخاصة نفسك، أي عليك بنفسك، ودع العوام، دع ما عليه عوام الناس، والتزم بما لديه خاصتهم. Et cette avarice emmène la personne à délaisser le fait d'ordonner le bien, ou bien lorsque cette avarice est répandue chez les gens, il est demandé à la personne de délaisser le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, comme cela est rapporté dans le hadith d'Abi Ta'laba. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a conseillé, il lui a dit: lorsque tu verras une avarice qui est obéie, et lorsque tu verras les passions qui sont suivies, et lorsque tu verras que cette vie d'ici-bas prévaut sur les choses de la religion, et que tu verras les gens prétentieux, alors remets tout ceci, et occupe-toi de ta personne, et délaisse le commun des gens, délaisse le commun des gens qui sont dans cet état. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc qualifié tous ces défauts, et lorsqu'ils sont répandus sur la terre, que la personne doit se préserver et délaisser tout ceci et rester en retrait. وَهُوَ مِنْ شَرِّ الخلال التي يتصف بها الرجل. ففي سنن أبي داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. ولذا كان من الأخلاق التي تفشو في آخر الزمان. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتقارب الزمان وينقص العمل، أي ينقص العمل الصالح ويلقى الشح. ولذلك أيضا كانت الصدقة أعظم أجرا في حال الشح، لأن الإنسان يغالب شح نفسه. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح، وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. الحديث متفق عليه. Et la meilleure des aumônes que peut faire le musulman, c'est celle qui émane d'une personne qui est en bonne santé et d'une personne qui est avare. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un homme l'a questionné et lui a dit « Oh, envoyé d'Allah, quelle est la meilleure des aumônes ou quelle est l'aumône qui sera la plus récompensée ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « C'est le fait de donner en aumône. » Alors que tu es en bonne santé et avare, en ayant peur de la pauvreté et en espérant la richesse. Une personne qui est avare, qui est en bonne santé, c'est-à-dire qui est jeune, qui a un avenir devant lui, qui aime la richesse et la recherche et qui déteste la pauvreté, une personne dans cet état qui donne en aumône de son argent, eh bien, il sera extrêmement récompensé. وقد عرف الإمام ابن القيم الشح فقال الشح شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاقتصاء في تحصيله وشجع النفس عليه والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه. الإمام ابن القيم رحمه الله ديفيني الشح comme étant le désir de quelque chose, le fait d'aimer les choses qui nous appartiennent de façon exagérée, et la conséquence de ceci est l'avarice. Et Al-Imam Ibn al-Qayyim a dit que shuh, c'est ce que la personne ressent avant d'avoir en sa possession ce qu'elle désire, et l'avarice c'est le fait de ne pas donner cette chose tant désirée après que la personne l'ait en sa possession. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit « وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » Et quiconque se prémunit, se préserve de sa propre avarice, ce sont ceux-là qui réussiront. أيها المسلمون ثاني هذه الثلاث المهلكات هوى المتبع وتلك صفة أخرى ذميمة قد تضافرت على ذمها والتحذير منها نصوص الكتاب والسنة وما ضل من ضل عن سبيل الرشاد والهداية أو غل في سبيل الضلال إلا وكان الهوى العامل الأساس في ذلك. وقد جاء ذم الهوى في القرآن الكريم في 24 موضعا، منها قوله تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وقال سبحانه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقوله جل شأنه بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. بل إن الهوى ليتمادى بصاحبه ويتمكن منه حتى يعسر عليه تركه. جاء في حديث معاوية في ذكر الفرق الضالة في هذه الأمة وإنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله كما في سنن أبي داود. La deuxième chose destructrice qu'a cité le prophète صلى الله عليه وسلم c'est le fait de suivre ses passions. Et de suivre ses passions est certes quelque chose qui doit être condamné. Et les versets et les hadiths à ce sujet sont aussi nombreux. Combien de personnes sont égarées à cause du fait qu'ils suivent leur passion? Et la plupart des gens qui sont égarés et qui sortent du droit chemin en désobéissant à Allah Azza wa Jal, tu verras que la majeure partie du temps, ou dans la plupart des cas, la cause essentielle est le fait que cette personne a suivi ses passions. Et Allah Azza wa Jal a mis en garde contre le fait de suivre ses passions dans le Coran, dans plus de 24 versets. Parmi ces versets, Allah Azza wa Jal dit: وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Beaucoup de gens s'égarent sans le savoir par leur passion, c'est-à-dire en suivant leur passion. Et Allah Azza wa Jal dit également dans le Coran, selon le sens: mais ils ne te répondent pas, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les polythéistes ne lui répondent pas. Sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Et qui est le plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah? Y a-t-il une personne de plus égarée que celle qui suit ses passions, comme l'a dit Allah Azza wa Jal? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit que celui qui suit ses passions sans faire des efforts pour les délaisser, il deviendra alors difficile pour lui de s'en séparer, comme cela est rapporté dans le hadith de Muawiyah radiallahu an, un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et il viendra dans ma communauté, ou apparaîtra dans ma communauté, des gens qui seront atteints par leur passion. Et ces passions entreront en eux comme entre la rage dans celui qui en est victime. « La yabqa minhu araqun wa la mafsalun illa dakhala » Et celui qui est enragé, la rage parcourt tout son corps et ne laisse une veine ni une articulation sans qu'elle ne le contamine, comme cela est rapporté dans Sunan Abi Daoud. « Bel, qad yasilu l'amru ila an yakuna » عبدا لهواه من دون الله عز وجل كما قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه وقال قتاده إن الرجل إذا كان كلما هوى شيئا ركبه وكلما اشتهى شيئا أتاه لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى فقد اتخذ إلهه هواه والعياذ بالله. Et le fait de suivre les passions peut même emmener la personne à prendre cette passion comme une divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Allah azza wa jalla dans le Coran, n'as-tu pas vu celui qui a pris ses passions comme divinité? Et Qatada radiallahu anhu a dit: lorsqu'un homme désire quelque chose, ou lorsqu'un homme veut monter sur quelque chose, il le monte. Et lorsqu'un homme désire quelque chose, il se la croit sans que une piété ou une peur d'Allah Azza wa Jal ne l'en empêche. Alors cette personne a considéré ses passions comme une divinité, wal'iyadu billah. Walidhalika kana min akhwafi ma kana yakhafuhu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala ummati kama fi hadith Abi Barza al-Aslami anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala: inna mimma akhsha alaykum shahawatu al-ghayy fi butunikum wa furujikum wa mudillat al-hawa. ولذلك أيضا كان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء كما في سنن الترمذي. وقد تذافرت أقوال السلف في التحذير من أهل الأهواء الذين يخدعون الناس بمعسول القول وفصيح الكلام. قال عبد الله بن عباس: لا تجالسوا أهل الأهواء في مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال إبراهيم النخعي: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب وتسلب محاسن الوجوه وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. وقال الحسن البصري: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. ولذلك كان الحذر كل الحذر من الأهواء التي أصبحت تبث في هذه الأيام ويدعى الناس لها عبر كثير من وسائل الإعلام المرئية منها والمقروءة والمسموعة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le fait de suivre les passions. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam invoquait même son Seigneur en disant « Oh Allah, je demande ta protection contre le mauvais comportement, contre ce qui est mauvais dans les comportements, dans les actes et dans les passions » comme cela est rapporté dans Sunan al-Tirmidhi. En ayant pris connaissance de ceci, les mises en garde des salafs, radiallahu anhum, rahimahum, contre les gens qui suivent leur passion, sont maintenant mieux comprises. Et les salafs, radiallahu anhum, ont mis en garde contre les gens qui suivent leur passion et nous conseillent de ne pas nous mélanger à eux, de ne pas les fréquenter et de ne pas entrer dans une polémique avec eux. Comme l'a dit Abdullah ibn Abbas, anhu, ne vous asseyez pas avec ceux qui suivent leur passion, car lorsque vous vous asseyez avec eux, vos cœurs tomberont malades. Et Ibrahim al-Nakhai a dit, ne vous asseyez pas avec les gens qui suivent leur passion, car de rester avec eux enlève la lumière des cœurs et également enlève la lumière présente dans les visages et fait exister une colère entre les croyants. Et Al-Hassan al-Basri a dit, ne vous asseyez pas avec ceux qui suivent leur passion, ne polémiquez pas avec eux, ne les écoutez pas. Et Abu Qilaba a dit, ne vous asseyez pas avec ceux qui suivent leur passion, ne polémiquez pas avec eux, car j'ai peur qu'ils injectent en vous des égarements ou bien alors qu'ils rendent confus ce que vous savez déjà. Il faut donc prendre en garde et s'éloigner le plus possible des gens qui sont connus pour suivre leur passion et qui sont malheureusement égarés à cause de ceci. قال ابن رجب رحمه الله إن جميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله وكذلك البدع تنشأ من تقديم الهوى على الشرع ولذا يسمى أهلها أهل الأهواء ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه فيجب عليه حينئذ التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم محبة الله ورسوله وما في رضا الله ورسوله على هوى النفس ومراداتها كلها انتهى كلامه رحمه الله. إيه الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى أجين بغول extrêmement importante. Il dit رحمه الله la plupart des péchés qui existent proviennent du fait que la personne prévale ses passions et aime plus suivre sa passion qu'Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et également, les innovations présentes dans l'islam sont dues au fait que les gens innovateurs préfèrent suivre leur passion que de suivre la religion. C'est pour cela qu'ils sont appelés ceux qui suivent leur passion, Ahlul Ahwa. Et celui qui aime, qui déteste, qui donne et qui prend en suivant sa propre passion, il a un grand manque dans sa foi, wal'iyadu billah, et il doit obligatoirement se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et faire précéder dans tous ses actes l'amour d'Allah Azza wa Jal ainsi que le suivi de son prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المسلمون، ثالث هذه الخصال المهلكة المذكورة في الحديث إعجاب المرء بنفسه، إعجاب المرء بنفسه وهو يورث الكبر الباطن الذي يثمر التكبر الظاهر في الأعمال والأقوال والأحوال، وهو يدعو صاحبه إلى نسيان التوبة من الذنوب، ويجعل صاحبه يستعظم العبادات والأعمال ويمن على الله بفعلها، والعجب والمعجب بنفسه ورأيه يأمن مكر الله وعذابه. ومن أعظم آفات العجب فتور السعي في الأعمال الصالحة لظن صاحبه أنه قد فاز واستغنى، ولذلك هو الهلاك الصحيح الذي لا شبهة فيه. والعجب بالنفس يؤدي بصاحبه إلى الكبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة، أي في إزار ورداء، تعجبه نفسه، مرجل جمته، أي مسرح لشعره، إذ خسف الله به. وفي رواية الترمذي: فأمر الله الأرض فأخذته، فهو يتجلجل، أي يسوخ في الأرض وينزل في الأرض إلى يوم القيامة، كما في سنن أبي داود. La troisième chose destructrice qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, c'est la prétention. Et être prétentieux va faire en sorte que l'orgueil va se créer dans son cœur. Et cet orgueil s'exprimera ensuite, qu'Allah nous en préserve, dans ses actes, dans ses paroles également. Et le fait d'être prétentieux amène la personne à oublier le repentir. Car celui qui est prétentieux ne donne pas d'importance à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il pense être le meilleur et il pense avoir à son actif le nombre nécessaire de bonnes actions qui lui garantissent l'entrée au paradis. Et c'est donc l'une des conséquences les plus graves de la prétention. C'est le fait que la personne s'éloigne des actes bénéfiques et des adorations vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci l'emmènera sans aucun doute à être orgueilleux, qu'Allah nous en préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tandis qu'un homme marchait vêtu d'un izar et d'un rida, il était prétentieux, c'est-à-dire qu'il était fier de ses vêtements et marchait avec orgueil et prétentieux. Muradjilun jummata, il s'était peigné les cheveux. Idh khasafallahu bih, lorsqu'Allah azawajal l'a fait ensevelir sous terre. Et dans la version de Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: fa'amara Allahu al-ardha fa'akhadathu, Allah azawajal a ordonné à la terre de le saisir et elle l'a saisi. Et il ne cesse de s'enfoncer dans la terre, et ceci jusqu'au jour du jugement. أن صاحبه لا يوفق للخير بل يصرف عنه، كما قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وكم حال التكبر بين صاحبه وبين الحق، قال تعالى: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. Et suffit pour condamner l'orgueil et la prétention que celui qui est prétentieux et orgueilleux ressemble au diable, que la malédiction d'Allah soit sur lui, ressemble à ce diable qui a osé dire à Allah Azza wa Jal, je suis meilleur que lui, c'est-à-dire que Adam, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Et parmi les conséquences néfastes également de la prétention et de l'orgueil, c'est qu'Allah Azza wa Jal le détournera du bien, comme l'a dit subhanahu wa ta'ala de façon explicite dans le Coran, j'écarterai de mes signes ceux qui sans raison s'enflent d'orgueil sur terre. Et combien de personnes ont été privées de bien, et combien de personnes n'en sont pas dans la vérité à cause de leur orgueil. Allah Azza wa Jal dit, malheur à tout grand imposteur qui commet des péchés. Il entend les versets d'Allah Azza wa Jal qu'on lui récite, puis persiste dans son orgueil comme s'il ne les avait jamais entendus. Annonce-lui donc un châtiment douloureux. Celui qui est orgueilleux n'accepte pas la vérité, car il se croit meilleur que les autres. Il se croit au-dessus de tout le monde. Il se considère comme étant le plus pieux et le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci revient, ou cette personne revient avoir des oreilles qui sont bouchées, qui n'acceptent pas les signes et les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك كان العجب والكبر سببا للطرد من الجنة ودخول النار بالله قال الله تعالى ودخول النار والعياذ بالله قال الله تعالى في حق إبليس قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها وقال تعالى فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. Et celui qui est orgueilleux et prétentieux sera expulsé du paradis et sa demeure sera l'enfer, wal'iyadu billah, comme l'a dit Allah Azza wa Jal lorsqu'il s'est adressé au diable. Allah Azza wa Jal lui a dit, sors, c'est-à-dire du paradis, فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا, tu n'avais pas à y être orgueilleux. Et Allah Azza wa Jal s'exprimera aux non-musulmans, ainsi qu'aux prétentieux et aux orgueilleux, entrez par les portes de l'enfer et restez-y éternellement. Voici la destination de ceux qui sont orgueilleux. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وبه أختم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر ويهده وهي تلك الحشرات الصغيرة جدا في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان فيساقون أي يجرون إلى سجن في جهنم يسمى بولس وفي رواية يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال comme dans le Sunan al-Tirmidhi et le Hadith Hassan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité un hadith effrayant, le hadith de Abdullah ibn Amr al-As, et par ce hadith je terminerai, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les orgueilleux seront ressuscités le jour du jugement comparable à un dhur, qui est un insecte infime, sa taille est extrêmement infime, fissoua les rigels, et ils auront la forme d'être humain. Yarshahum uddullu min kulli makan, ils seront humiliés de partout, et ils seront emmenés dans une prison en enfer qui est appelée Boulous, et elle est aussi appelée Baoulès. Ils seront entourés de feu, wal'iyadu billah, et on leur donnera à boire le jus des gens de l'enfer. Et le jus des gens de l'enfer, wal'iyadu billah, ce n'est autre que leur sueur, leur sang et leur pu, qu'Allah nous en préserve. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala